연애 좋아. Garde pas fou la carte ici, garde pour où est sa cafette. Allez bien, ouvrez-y. Garde un côté l'homme et l'âme qui fait sa ouais éclair. Cacléré, cacléré. J'allais nous ramasser pas qui pour nous brancher, mais pour aller. On nous est, ça y est. Mancama, Yedele, Mancama, Amelia, Mancama, Bernadette, Mancama, Célestine, Mancama, les arrivés, Mancama, les arrivés, Mancama, Yedele, Mancama. Yelele, yelele, yelele. Yeah.